Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Cette semaine, au Mathieu Plancho. Dans Television et Netflix utilisent une fonction qui arrête la vidéo si le spectateur s'endort. Il devrait détecter quand je veux m'endormir et démarrer un épisode de Le Vent dans les saules. Dans le segment Geeks Linux, un PC portable sur l'oreille qu'on peut contrôler d'un clin d'œil. Ce sera pas bon pour ma technique de cruise, ça, hein? Hein? Oups, mes lunettes ont redémarré. Et dans la Geekette, en devenir une application qui texte automatiquement des mots d'amour à votre partenaire au Mathieu Plancho tout de suite. Et voici celui qui cligne des mots d'amour à la radio. Ouh, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Blaireau. Et un peu comme Blaireau avait besoin de crapaud, rat et taupe pour avoir les aventures les plus ennuyantes que j'ai jamais vues de ma vie dans Le Vent dans les saules. À l'époque, c'est vraiment vieux. C'est très, très vieux. Googlez ça. J'ai besoin de quelqu'un qui parlait. Donc, Maria Picard, ma co-animatrice, est là. J'espère que tu ne traites pas de crapaud. Là. Non, et je dis pas qu'on va avoir les aventures les plus ennuyantes au monde ensemble. J'espère bien. Ça va être passionnant, j'en suis certain. Donc, plus tard à l'émission, le segment Geek CNX et la Geekette en devenir. Oui, certain. Bien sûr, on va débuter avec Television, comme on le fait tout le temps. Mais avant ça, il faut écouter un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et on va vous débuter ça en force avec un remake d'une chanson rock. Que vous allez reconnaître, j'espère, plusieurs d'entre vous. Voyons voir. La réponse après, évidemment, c'est par l'artiste Duck Boy au Mathieu Plancho. Et attends, ça commence là. Mais qu'est-ce? Pour l'instant, j'ai aucune idée. Ouais. Ça m'a pris un bout avant de la comprendre. Ah, OK. On va la laisser jouer. OK. Classique reconnu. Je suis perplexe. Je me demande même si Alain Lefebvre de Rock Classique l'a reconnu. Mm. C'est une chanson des Beatles. Help! Oh my God! Ouais, le Duck Boy Remix. Sérieusement, je savais c'est quoi la chanson avant de la faire jouer, évidemment. Et je suis pas sûr de la reconnaître même l'autre. Hein. Non, je trouve que peut-être qu'elle a été désaccélérée un peu. Peut-être un peu. Parce que la chanson, elle va quand même assez vite. Et sans les paroles, c'est très difficile un remix sans paroles de reconnaître. Oui, effectivement. Mais bon. Donc voilà, Duck Boy Remix de la chanson Help par les Beatles. Le lien sur assemblagerequis.com. Et maintenant, ben Caroline, ça va très bien jusqu'à maintenant. On n'a pas réussi à deviner c'était quoi la chanson. Donc on va passer à quelque chose qu'on connaît plus. Voici Television, Television. C'est Television Television où on parle de télé, bien sûr. Ah ben, regarde ça! Eh ben, hein, j'aurais dû laisser languir les gens. Ben oui, hein, essayez de voir si elle est devinée, là, d'après ce qu'on parle. On va commencer avec Télé-Québec. Évidemment, dans Television Television, on commence par le Québec, ensuite le Canada, ensuite les États-Unis, ensuite le monde, ensuite Internet, etc., etc. C'est de plus en plus gros. Wow. Et ce qui se passe au Québec en ce moment, ben, bientôt cet été, c'est un nouveau magazine de cinéma à Télé-Québec. Oh! Une autre émission qui va durer seulement une saison, comme toutes les émissions de cinéma à Télé-Québec jusqu'à maintenant. Ben là. Ben, à date, pour vrai, ça dure jamais vraiment longtemps. Donc, Télé-Québec va lancer le 2 juin prochain un nouveau magazine hebdomadaire de 30 minutes animé par Marc Cassivi. Oui, les gens soit l'aiment ou le détestent. Marc Cassivi avec la complicité de Marc-André Lucier. Une émission produite par Viva Vision et réalisée par Marie-Josée Lévesque qui va accueillir chaque semaine une personnalité du 7e art, que ce soit un acteur, scénariste, réalisateur, avec laquelle ils vont discuter de sa vision et de son rapport avec le cinéma tout en faisant un clin d'œil aux films à l'affiche à Télé-Québec. Pas les films à l'affiche au cinéma, mais les films qui jouent à Télé-Québec. Ils vont tant parler de cinéma populaire que du plus pointu. Les exemples sont de Rebelle de Kim Yuen ou d'un film de Luca Bellevaux à Saving Private Ryan ou Saturday Night Fever. C'est ce qu'a dit Marc Cassivi. C'est très large. Oui, effectivement. Très large. Donc, Marc Cassivi et Marc-André Lucier dans une émission de cinéma qui n'a pas encore de nom. Ensuite, toujours à Télé-Québec, Voir disparaît, malheureusement. Oh. Mais Sébastien Diaz reste. Yay! Yeah. Oh, yay! Yeah. Oh. On vit toutes les émotions. Ben oui, mais là... Mais ben quoi? C'est triste de voir l'émission partir comme ben celle-là. Ben oui, c'est ça. Puis surtout pour un beau petit jeune homme, là. Exactement. Hein? Et un journal, Voir, qui est en chute libre. Et là, l'émission de télé s'en va aussi. Il ne restera plus grand-chose. C'est la fin de Voir, donc, à Télé-Québec. Mais le début d'un nouveau magazine culturel, toujours animé par Sébastien Diaz, dès septembre prochain. Cette nouveauté sera conçue par l'animateur et la maison de production Trio Orange, qui produisait aussi Voir. Il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pour l'hebdomadaire Voir, qui a connu bien des difficultés ces dernières années. Même si l'émission n'attirait pas un public large, bien sûr, c'est vraiment pas le but de la chose du tout. Elle servait tout de même de vitrine au journal, devenu bimensuel depuis le printemps dernier, et d'ailleurs qui n'existe plus en Mauricie, qui existe seulement dans les grandes régions. La dernière de Voir, l'émission sera diffusée le mercredi 26 mars. Moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que ça va être pas mal la même émission qui va arriver à l'automne parce que ça va être de la culture populaire, musique, télé, etc. Donc, ça va juste changer de nom. Moi, ça me donne comme impression, est-ce que c'est parce qu'on sait que le Voir va quitter le journal aussi dans les prochains mois, donc pourquoi garder le nom cet automne? Oh. Ça me donne cette impression-là, mais bon, je connais absolument rien au domaine. Ben, ça fait du sens, ce que tu dis. Je sais pas, moi, je trouve ça bizarre de garder artificiellement la marque Voir si c'est pas pour durer. Ouais, c'est peut-être vrai. Ouais. Et pourtant, il y a une web télé qui s'appelle Voir Trouble qui est en ligne sur le site du Voir, voir.ca en ce moment. Donc, peut-être, est-ce qu'ils veulent justement se différencier et dire, bon, Voir, ça va être le nom pour la web télé et ça va être autre chose pour l'émission de télévision? Probablement. En tout cas, on va suivre ça, bien sûr. Oui. Maintenant, on passe... on reste au niveau provincial. J'allais dire que c'est national. C'est pas mal national aussi. On parle de V et de Global. Leur vidéo sur demande disponible chez Vidéotron. Oh! Donc, la vidéo sur demande des chaînes V et Global est disponible depuis la semaine passée pour les clients de Vidéotron. Le contenu est accessible sur toutes les plateformes du câble au distributeur québécois, que ce soit à la télé, sur le web avec illico.tv, sur iPad, Android et illico mobile. Ici, du côté de V, les gens vont pouvoir visionner des épisodes complets des émissions de V. Chez Global, c'est des émissions américaines qui s'en viennent. Le contenu de Global Montreal, donc les nouvelles, sont aussi disponibles. D'autres émissions vont s'ajouter à court et à moyen terme. Donc, c'est ça, quand même une bonne nouvelle pour ces chaînes qui sont un petit peu moins... Ben, Global, ça reste très, très gros, mais V, qui n'est pas un grand réseau encore, au moins fait sa marque sur la plateforme Illico. Bon. Oui, exact. Quand même bien. Parlant de V, ces gars-là font un carton. Oui, on savait pas trop à quoi s'attendre en termes de popularité pour cette émission-là. La fiction qui a effectué une arrivée convaincante à V la semaine passée. Le premier épisode de Ces gars-là, comédie de Simon-Olivier Fecteau et Sugar Sammy, a rallié 487 000 téléspectateurs, qui pour V est quand même gros. Ben oui. Pour V, encore une fois. Récoltant une part de marché de 13,2% dans la case horaire de 20h à 20h30, selon BBM. Tout indique que l'émission devrait être populaire. Combinée aux critiques positives, un bon bouche à oreille devrait permettre au sitcom, donc à la sitcom que moi je dis, de franchir le cap des 600 000 téléspectateurs qui seraient dans le fond quelque chose d'énorme, de très, très bien. Pour ces gars-là. C'est cool de voir une sitcom fonctionner sur les ondes québécoises parce que ça manque en ce moment des sitcoms québécoises. C'est vrai. À part Avrac TV, il n'y a pas grand sitcom. Ouais, puis là, on s'entend-tu que c'est Avrac TV. Ça vole pas très, très haut, là. Non. J'encourage ça parce que moi, je crois beaucoup au modèle sitcom classique. Mm-hmm. C'est sûr que là, c'est pas une sitcom dans le sens que c'est pas devant public. Ouais. Moi, c'est ma formule préférée classique. Là, on parle d'une sitcom avec sans public et avec des blagues qui laissent le public rire de lui-même. Donc non, c'est appréciable de voir que ça fonctionne, tant mieux. Oui, ben bravo, hein. Ouais. Ben, j'ai vu le premier épisode, pas nécessairement mon genre d'humour à moi, mais je vais lui laisser une chance de plus. Et de toute façon, je dis que je vais laisser une chance. D'habitude, ça prend 3, 4, 5 épisodes avant de commencer à aimer ça. Exact. Sûrement que cette émission-là va en avoir en tout 13 pour la première saison. Donc, ouais. Une fois rendu à la fin de la première saison, je vais savoir si j'aime ça. Je vous le conseille quand même. Ah oui. Maintenant, on passe au Canada pour parler de la diffusion des Césars, qui est français, sur Canal Plus Canada. Donc, ça rejoint pas mal de gens. Les amateurs québécois de cinéma français, pourront suivre la 39e cérémonie des Césars sur la nouvelle plateforme Canal Plus Canada. Donc, on a déjà parlé de Canal Plus Canada ici dans Television. Ça va être sur canalplus.ca. Pour l'occasion, celle-ci sera accessible gratuitement. Dès 13h20, vendredi, heure de Montréal, on pourra notamment regarder l'édition spéciale que consacre au César le Grand Journal de Canal+, ainsi que l'arrivée des artistes au Théâtre du Châtelet à Paris. La cérémonie commence à 15h. Donc, c'est ça, ça s'en vient. Attends un peu, je regarde mes dates ici. C'était vendredi dernier. Ah, c'est dommage, genre, je m'excuse. C'est ma faute, j'ai pas regardé mes dates avant de le mettre. Mais quand même, donc, canalplus.ca qui continue d'exister et qui a diffusé les Césars. Je suis certain que c'est disponible en diffusion différée. Donc, allez voir ça, canalplus.ca. Voilà. Maintenant, NBC, on passe aux États-Unis, qui a bloqué la diffusion de 45 000 vidéos olympiques en ligne. 45 000. Mais comment ça, donc? Ben, c'est une question de droit et d'argent. Oh. La chaîne américaine NBC, donc le réseau, a dit avoir collaboré avec des dirigeants des Olympiques pour mettre un terme à 45 000 cas de vidéos publiées illégalement ou de chaînes pirates ayant fait surface pour présenter les compétitions des Jeux de Sochi. La chasse aux pirates a eu lieu dans l'ombre, ce qui ne l'a pas empêché d'être intense. Les diffuseurs déboursent de grosses sommes, on parle de 775 millions de dollars américains dans le cas d'NBC, pour obtenir les droits de diffusion exclusifs à la télévision et sur Internet. Et ils les protègent, évidemment, avec férocité, ces droits-là. Il y a 20 000 vidéos de compétition olympique auraient été gardées loin de YouTube, soit grâce à des filtres les empêchant d'être publiées, soit en les retrouvant et en les retirant du site peu après qu'elles y aient été ajoutées. La distribution de 20 000 autres vidéos aurait été bloquée sur des sites semblables populaires ailleurs dans le monde, comme Dailymotion en Europe ou encore VK.com en Russie. Quelques 5 000 cas de diffusion en continu de matériel olympique, souvent des compétitions présentées en direct, ont également été bloqués. Donc, si vous avez manqué ces jeux-là, ces joutes-là, c'est certainement pas sur YouTube que vous allez les trouver. NBC a tenté les pirates dès le début des jeux en décidant de ne pas diffuser la cérémonie d'ouverture en direct. On a déjà parlé de ça. Choisissant plutôt de présenter les meilleurs moments en heure de grande écoute, ce qui a fait que les gens sont allés sur YouTube entre-temps pour aller les voir au moins plus proche de la réalité. Exact. Plusieurs spectateurs ont donc essayé de trouver des sites diffusant illégalement la cérémonie en ligne. Eh bien, Colin, hein? C'est le portefeuille qui parle? Ben oui. On va protéger ça. Ça donne rien parce que les gens vont finir par le voir d'une façon ou d'une autre. Oui, ça va être remis. Là. Quelqu'un va le trouver. Quelle perte de temps de la part d'NBC. Imagine, en plus de payer des millions de dollars, il faut qu'ils payent des employés pour aller chercher ces vidéos. Ben oui, c'est ça. Ils n'ont pas fini, là. Maintenant, on parle de télé un petit peu plus au sens large. Donc, Justin Long, tu vois, j'ai comme fait un jeu de mots sans le savoir. Long en large, tu sais, at large. Oh. C'est Justin Long. En haut de l'affiche pour la première fois donc de sa carrière, l'acteur américain Justin Long tiendra le haut de l'affiche d'une série télévisée. Le comédien récemment apparu dans New Girl et Mom sera l'une des stars de Sober Companion, pilote en préparation chez Fox. Écrite par David S. Rosenthal et Jenny Snyder, qu'on connaît pour 90210 Beverly Hills Nouvelle Génération. La comédie évoquera les difficultés d'un avocat au comportement autodestructeur qui se voit affublé d'un compagnon de sobriété. Justin Long campera ce dernier, un certain Jeremy, décrit comme optimiste, excentrique et parfois exaspérant. Il est prêt à utiliser n'importe quelle méthode, même les moins conventionnelles, afin de garder ses clients sobres. Moi, tu vois, je regarde Justin Long. Vous le connaissez du cinéma américain. On l'a vu dans plusieurs comédies romantiques. Sa face va vous dire quelque chose. Il jouait le Mac dans les publicités Mac versus PC sur fond blanc. Il y avait un gars qui jouait le PC, un gars qui jouait le Mac. Lui, c'était le Mac. Moi, je le regarde et il m'a l'air d'être un très bon Soulon à la télé. Donc, je l'aurais mis dans le rôle du Soulon plus que dans le rôle du copain de sobriété. Mais ça, c'est juste moi, tu sais. Ben justement, c'est pour tromper les apparences. Exactement, c'est un rôle de composition. Oui, c'est ça, on va voir s'il est vraiment un bon acteur. Je n'accuse pas l'alcoolisme du tout, mais je trouve qu'il ferait un bon alcoolique. Ouais. Toujours à la télé, mais on disait tantôt « at large », donc au sens large. Ici, on parle du sens très, très, très large, dans le sens que c'est une extrêmement grosse vedette, la première dame des États-Unis, Michelle Obama, à la télévision, encore une fois. Hey! Donc, la première dame des États-Unis, Michelle Obama, poursuivra son grand combat contre l'obésité, encore une fois, sens large. Effectuant un caméo, ça c'est c'était un petit peu plus facile. C'était beau, ça. En effectuant un caméo dans la série de Amy Poehler, Parks and Recreation. Non. Ouais, c'est ce qu'a annoncé NBC. Promouvoir donc une alimentation équilibrée et faire régulièrement d'exercice, c'est le cheval de bataille de Michelle Obama depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. C'est des sujets qui vont être abordés dans le dernier épisode de la 6e saison de la comédie. À cette occasion, la femme du président américain n'hésitera pas à apparaître à l'écran dans cet épisode baptisé Moving Up, qui sera diffusé le 24 avril prochain sur NBC. Michelle Obama évoquera son programme Let's Move, guerre menée depuis 5 ans contre l'obésité des Américains et particulièrement des enfants. On l'a vu déjà dans The Biggest Loser, dans l'émission de télé-réalité où on doit perdre du poids. On l'a vu dans des talk shows comme Jimmy Fallon avant de finir. Oui. Tout le temps en train de faire des plugs pour ce système-là, Let's Move. Oui, exact. Mais dans une série. Elle est bonne là-dedans quand même. Elle est très bonne. On l'a vu dans iCarly aussi, émission pour enfants. Oui, c'est vrai. Elle était bien drôle là-dedans quand même. Oui. Et je trouve qu'elle est bonne. Elle se laisse aller, elle embarque dans tout. T'sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, elle n'a pas de l'air hautaine, là, puis loin des gens. C'est ça, c'est pas la reine, là, c'est juste la première dame des États-Unis. Tu sais, puis pourtant. Un petit rôle de rien du tout. Ben oui. Non, je trouve vraiment dans ce super film, puis ça a l'air vraiment du tenir à cœur. Elle fait pas ça juste pour. Parce qu'elle doit le faire. Exact. Elle est prête à tout pour avancer sa cause, mais en même temps, c'est une bonne chose. Voilà. Oui. Je ne voulais rien dire, cette phrase-là. On passe. On passe à Keith Gurky, un faux chef cuisinier qui troll 5 émissions matinales et fait manger des dégueulasseries aux animateurs. Oui. L'article provient de TVQC.com, mais en fin de semaine dernière, Keith Gurky est apparu dans 5 émissions matinales au Wisconsin et en Illinois afin de faire la promotion de son nouveau livre de cuisine et il a préparé des repas avec des restants de table. Par contre, petit problème, en fait, c'est l'idée de la chose, chef Keith ne sait pas cuisiner. Oh! Du jambon, de la tarte et une sauce smoothie, une purée de pommes de terre dans un collet de crème glacée avec des bonbons sucrés. Les émissions matinales sont difficiles à animer, on le sait tous. On en fait une le matin, Assemblage requis, si jamais ça vous tente d'écouter ça. Donc, les émissions matinales, ça, c'est difficile à animer parce que c'est long, souvent genre interminable, ce qui peut ouvrir à la porte à des individus qu'on invite juste parce qu'on a 3 heures à remplir, tu sais. Et même les émissions du matin commencent à des fois à 4h30, tu sais. Pour vrai, aux États-Unis, c'est des 4h30 à 9h, les émissions du matin. Donc, on invite absolument n'importe qui pour remplir nos 365 jours dans l'année. Bref, ils ont invité ce gars-là, le légendaire chef Keith. Mais il y en avait un autre dans le passé qui est Case Trass. Je vais poster la vidéo sur assemblagerequis.com. C'est un gars qui jouait du yo-yo vraiment mal. Et ça a fait le tour d'Internet. Donc, il faisait des mouvements de yo-yo qui n'avaient aucun sens. C'est ce qu'on appelait donc un troll, donc il passait à la télé juste pour faire rire le monde. Bref, Case Trass, interprété par Mark Proksch, a été co-créé par Joe Pickett. Donc c'est Pickett et son co-conspirateur Nick Pruner qui est responsable aussi du chef Keith qu'on mentionne ici. Donc Pruner a joué le rôle du chef Keith. Il a déclaré que les journalistes et les animateurs ont été très amiables avec lui. Amiables? Amical. Aimable. Ouais. Aimable, c'est le mot, c'est ça. Avec lui, même après leur avoir fait manger des choses vraiment dégueulasses en direct. Donc allez voir la vidéo. Je vous la ferai pas jouer parce que c'est en anglais et ça me tente pas de traduire, mais ça reste très très drôle. C'est ça. De juste faire des farces et attrapes sur des chaînes, peut-être pas nationales, mais mettons à échelle de l'État, si on veut. Exact. Du Wisconsin. C'est belle fun. C'est juste drôle. Et finalement, d'en parler en intro, le service de vidéo en streaming Netflix dévoile ses résultats pour son hackathon. Plusieurs projets intéressants ont été présentés, dont un dispositif utilisant le bracelet Fitbit. Et lorsque son possesseur s'endort, la vidéo en lecture s'arrête. Oh, c'est bon ça! C'est vraiment fort. Il s'agit d'un rendez-vous, donc le hackathon, il s'agit d'un rendez-vous pendant lequel les développeurs, qui soient internes au groupe dans ce cas-ci, mettent en avant de nouvelles fonctionnalités issues de leurs travaux. Lors du dernier événement en date, les projets tournaient ainsi principalement autour des fonctions de connexion à la plateforme. Plusieurs propositions ont été émises, dont un dispositif permettant de signaler lorsqu'un spectateur s'endort devant un film ou une émission de télé. Et dans cette configuration-là, la vidéo s'arrête puisque l'utilisateur n'est plus attentif. Un marque-page, donc un signet, est également édité, autorisant la reprise de la lecture au moment où on s'était rendu. Avant de s'endormir, tu sais. Oh. Donc, tu repars où tu étais rendu. Pour que le système fonctionne, l'utilisateur doit être muni d'un bracelet connecté, ce qu'on appelle le Fitbit, utilisé ici pour la démonstration, qui permet déjà d'analyser le cycle de sommeil de son possesseur. Le gadget Fitbit, c'est ce qu'il faisait déjà. Il analysait ton sommeil, donc ils se servent de cette fonctionnalité-là dans Netflix. Parmi les autres fonctionnalités présentées par les autres équipes, un outil permettant de créer des listes personnelles a été démontré, ainsi qu'un moyen permettant de mieux tirer profit du stick, donc le bâton de commande de la manette PlayStation 3, afin d'entrer un code d'identification. Enfin, démonstration fut faite d'une fonction utilisant la technologie iBeacon de Apple et autorisant le partage de vidéos entre appareils sous iOS en les rapprochant simplement les uns des autres. Donc, tu pourrais rapprocher ton appareil, ton iPhone, d'une boîte connectée à ta télé et puis ça ferait envoyer des vidéos. Donc, mettons une vidéo que tu es en train de regarder sur Netflix sur ton iPhone. Clac, flink, sur ta télé. Bon. Malgré leur ingéniosité, il n'est pas certain que ces fonctionnalités soient proposées au public puisqu'il ne s'agit que de concepts présentés par les équipes internes de Netflix. Mais il y a des idées qui sont tellement bonnes là-dedans que ça n'a pas le choix d'être adopté. Mais là, ouais. J'espère que ça va marcher. Ben, déjà, Netflix... C'est quand même cool. Netflix te demande à chaque, je crois, ces deux épisodes, ouais, est-ce que tu veux continuer? Vraiment. C'est ça, ouais. Parce que bon, nous, on se tape une saison complète de l'émission en fin de semaine. Mettons, à chaque deux épisodes, il faut que tu fasses OK. Tu sais, il devrait détecter mes yeux ou mon bracelet Fitbit, savoir, hey, je suis encore là. Tu sais? Je suis encore là, man. Et puis, quand tu t'endors, ben, tu sais, il pourrait revenir à peut-être 5 minutes avant, quelque chose comme ça. Ouais, exact. Là où je me suis rendu quand je me suis endormi, j'ai manqué les 5 dernières minutes quand même. Oui. Et tu fais quoi quand il y a deux personnes qui regardent en même temps, tu sais? Faudrait que les deux s'endorment. Ben, faudrait qu'il y ait deux bracelets. Deux bracelets. Chacun en apporte un. Puis, moi, je m'endors si ton époque. Non, mais aussitôt que le premier s'endort, j'imagine que ça arrêterait. Sûrement. Parce que s'il y en a un, les deux qui s'endort, ça marche pas. Mais s'il y en a un qui voulait s'endormir parce que l'émission de la fille était plate. Il y a plein de subtilités là-dedans qu'il va vraiment falloir mettre. Là, tu vas trop loin. Là. Je pense que oui. Tu vas trop loin. Voilà pour Télévision Télévision. Tantôt, on fera le bloc Bulletin Geek CNX. Mais avant ça, une autre chanson de chiptune. On va entendre l'artiste Feral. Voici The Last Riot Girl, MPS, le Mathieu Planche. Wow. Endormez-vous pas, là, on vous voit à TV, à radio. À radio. Pourquoi j'ai la TV? C'est pas parce que tu viens de parler de TV. C'est mon genre, ça. Lapsus. We'll be right back. The Last Riot Girl par Feral, la deuxième pièce de son maxi qui s'appelle Fade to Dreams. Téléchargeable sur feral.bandcamp.com. Feral, c'est F-E-R-Y-L. C'était quand même doux comme chanson. Ouais, c'est calme. Ouais? Ouais. C'est rare, d'habitude. Je suis plus... Ben, pas que ça déménage, là, mais... mais plus que ça. Plus de rythme. Oui. Dans le sang. Ben, c'était bon. Ouais. Ouais, pas mauvais. J'ai un bon rythme au clavier. Ouais. Tu sais, comme quand tu tapes des affaires pour aller voir des nouvelles dans le bloc Geeks et Rix. C'est le but de la geek CNX où on fait un petit survol des nouvelles qui vont intéresser seulement les geeks. Mais là, si vous êtes pas geek, vous n'allez pas aimer. Changez de poste. Non. Hey, wow, on suggère jamais ça. Ben là, baissez tu viens le volume. De dire que c'est juste des geeks. Baissez le volume, puis vous reviendrez. Bon. Donc, on commence au Japon, où il y a un mini PC portable sur l'oreille à contrôler d'un clin d'œil. Hein? Clin d'œil. Non, mais là, si tu l'as dans ton oreille, comment tu peux pas le voir? Je t'en parle. Des chercheurs japonais travaillent sur un mini-ordinateur portable sur l'oreille qu'on pourrait contrôler d'un clin d'œil ou d'un claquement de langue. Cet appareil sans fil de 17 grammes dispose d'une capacité Bluetooth et est équipé d'un GPS, d'une boussole, de capteurs, d'une batterie, d'un baromètre, d'un micro ou d'un haut et d'un haut-parleur, oui. Baptisé pour l'instant PC portable clip oreille, très accrocheur comme nom. Cet appareil est équipé d'une mini... très accrocheur! Ah, ça s'accroche sur l'oreille! Je fais des blagues involontaires aujourd'hui. Donc cet appareil est équipé d'une mini puce électronique ainsi que de capacité de stockage. Les gens le porteraient comme ils porteraient des boucles d'oreilles. On espère pouvoir commercialiser cet ordinateur-là à partir de Noël 2015. Ce PC oreille sera connectable à divers appareils électroniques mobiles et permettra à son utilisateur d'utiliser des logiciels et applications en faisant des gestes avec son visage, comme lever un sourcil, tirer la langue, remuer le nez ou serrer les dents. Un peu comme la sorcière bien-aimée. Hein? Ben oui, puis là, tu vas te promener dans la rue, puis là, tu vas voir quelqu'un qui fait des grimaces. Ouais. Là, tu vas dire, qu'est-ce que tu fais là, man? Comme si Google Glass n'était pas assez bizarre en disant à l'oral, à de vive voix les commandes, genre prendre photo. Au moins, tu vois pareil des lunettes, là. Mais là, ça. Ça va avoir l'air vraiment schizophrène, ça. Vraiment. Là, t'as-tu la tourette? On rit pas des gens qui ont la tourette. Ben non. Je veux pas rire des gens qui ont la tourette. Ben non. Imagine un ordinateur que tu pourrais contrôler par les sacres. Les capteurs du mini-ordinateur permettront de reconnaître ses mouvements depuis l'intérieur de l'oreille. Comme l'appareil sera utilisable sans les mains, il pourra servir de troisième main pour le personnel de santé, les randonneurs, les motocyclistes, les astronautes et les personnes handicapées. Voilà. Donc, je cite ici, « Imaginez que vous grimpiez une montagne, regardiez le ciel de nuit et fixiez une étoile tout là-haut. Le système vous dira de quelle étoile il s'agit. Il sait à quelle altitude vous êtes, dans quelle direction vous regardez et sous quel angle. Il pourra donc vous dire, par exemple, « Vous regardez en ce moment l'étoile Sirius. » le mini-PC qui servirait, qui servirait aussi d'oreillette pour les personnes âgées suivrait par exemple sa température, son rythme cardiaque, son alimentation et divers paramètres sanitaires. Sanitaires? Oh non! Ça veut dire s'il est malpropre l'entre-gens, ça va être génial. Il pourrait prévenir les proches d'une faiblesse ou d'une maladie. Ah, ça c'est bien. Bonne chose. L'accéléromètre équipant l'ordinateur d'oreille permettrait de détecter immédiatement une chute et d'en informer l'entourage ou les services médicaux via un lien établi avec un smartphone. C'est comme l'annonce là, qui montre les vieilles madames là, qui ont un collier, genre... Oui. Qui, je suis tombée puis je suis plus capable de me lever! Mais là, une chance que j'avais mon collier, hein? Tu l'avais pas vu, hein? C'était un collier pour ça. Non, c'est ça, ça ressemble pas du tout à un collier d'urgence. Ben non, tu sais. C'est pas parce qu'il y a une croix rouge dessus. C'est blanc, gros, puis... Ouais, c'est ça. Ah, mais tu sais, ça veut dire qu'avec ça, t'auras plus besoin de payer un guide dans des autres... Pas des hôtels. Dans des hôtels, attends, je t'ai suivi, là. Quand tu visites, là, quand tu vas visiter des places... Un musée. Exact, c'est ça que je cherchais. Ouais. T'as juste à avoir ça dans ton oreille. Exact. Écolier ou petite boucle d'oreille, où suis-je? Où suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Pourquoi existais-je? Existe-je? On va passer, tiens, à un petit peu d'insolite, car des articles générés par ordinateur s'invitent chez les éditeurs universitaires. Un programme informatique permettant de générer de faux articles universitaires a permis à de nombreux chercheurs de composer des textes complètement incohérents et pourtant publiés ces dernières années dans de vrais journaux universitaires, des affaires le big shot. Un système développé par un universitaire français a récemment révélé la supercherie. Conçu en 2005 par trois étudiants de l'Institut de technologie du Massachusetts, le MIT, le logiciel SciGen, S-C-I-G-E-N, permet de générer aléatoirement des résumés d'études scientifiques. Cette usine à canulars est disponible gratuitement sur Internet depuis près de 10 ans et une découverte récente a permis de constater qu'elle était utilisée depuis longtemps par des scientifiques pour soumettre de faux sujets de recherche à l'occasion de congrès ou à destination de maisons d'édition. À la base conçue pour critiquer et tester la rigueur du secteur universitaire concernant des sujets d'études parfois totalement incompréhensibles. Oh. Évidemment, on parle de grands mots, de grandes phrases. Ouais. SciGen a fini par piéger les éditeurs sérieux. Lundi 24 février dernier, Springer et IEEE, deux maisons d'édition basées aux États-Unis et en Allemagne, ont ainsi annoncé la suppression de 120 articles totalement erronés de leurs archives. Ils avaient tous été conçus via SciGen. Wow. La découverte de cette supercherie est due à Cyril Labbé, un chercheur de l'université Joseph Fourier de Grenoble. Ce dernier a conçu en 2012 un système qui permet d'identifier les articles composés à l'aide de SciGen, car le système qui crée des phrases aléatoirement à l'aide de chaînes de mots et intègre même des tableaux, des graphiques et des sources. Imagine comment c'est poussé, là! Compose des articles qui tiennent du charabia scientifique complet pour les profanes, donc et n'attirent pas nécessairement l'attention si on se penche pas concrètement dessus. La méthode de détection de Cyril Labbé disponible en ligne permet de rechercher du vocabulaire spécifique utilisé par SciGen. Des dizaines d'articles erronés ont été décelés, donc vraiment, on a publié ça comme si c'était... Ah, tu sais, ah, Colin, ça a l'air tellement compliqué, je suis sûr que le gars, ça doit être vrai, là. Ça a l'air vrai, le gars, il s'est forcé, il y a plein de mots que je comprends pas. On va publier ça, tu sais. Ben oui, c'est... Reste à savoir comment de tels documents peuvent circuler et même être publiés alors qu'ils n'ont aucun sens réel. Tu sais, on prend... Aussitôt que c'est universitaire, on se dit, c'est sérieux, c'est l'affaire la plus vraie du monde, c'est sûr que la crédibilité est through the roof. Et là, tu t'aperçois que ça ne l'est pas nécessairement. Ouais. T'sais, pas partout, en tout cas. J'imagine que l'UQTR est parfaite et choisit tout le temps des bons articles. On veut certainement pas insulter nos collègues de l'UQTR. Mais tu sais, l'erreur est humaine. C'est facile de leur en passer une petite vite des fois. Ouais. Tiens, l'Office québécois de la langue française s'attaque aux médias sociaux, Maria. Tu sais, des expressions en anglais sur Facebook, ça arrive. Disons que la plupart des statuts contiennent au moins un nice ou un chill ou un sweet. Exact, oui. Mais l'Office québécois de la langue française demande à une commerçante de Chelsea en Outaouais de traduire la page Facebook de son entreprise en français. Hein? Eva Cooper, non francophone s'il y en est un. Ben oui, tout à fait. Propriétaire de Delilah in the Park, une boutique de vêtements, a reçu une lettre de l'OQLF. Ben oui, encore une fois, très français. Tout à fait. Ben Delilah oui. In the Park. Delilah, je connais au moins 10 personnes qui s'appellent Delilah. Oui, puis il y a aussi la chanson Hey there, Delilah. C'est ça. On salue Maroon 5 ou qui chantait ça, je sais pas. Non, on m'en souvient pas. Bref, une boutique de vêtements à Delilah in the Park. Ils ont reçu une lettre de l'OQLF à la suite de la plainte d'un client, oui. Donc, elle a jusqu'au 10 mars pour répondre à l'organisme gouvernemental. La commerçante reconnaît que sa page Facebook comporte principalement des publications en anglais. Elle se dit néanmoins étonnée d'attirer l'attention de l'OQLF, d'autant plus que les employés de sa boutique sont tous bilingues et que l'affichage s'y fait dans les deux langues officielles. Oh! Je vois pas ce que ça change, mais bon. Est-ce que c'est Facebook? C'est ça. Selon un porte-parole de l'OQLF, les publications des entreprises sur les médias sociaux tels que Twitter et Facebook sont soumises aux règles de la publicité. C'est vrai. Wow. Mme Cooper répond qu'elle croyait que sa page... Écoutez bien ça. On t'écoute. Mme Cooper répond qu'elle oui. croyait que sa page Facebook n'était pas considérée comme de la publicité, mais plutôt comme une page d'information. OK? On s'entend jusque-là. Elle dit c'est pas de la pub, c'est de l'information. OK? Ben oui, mais là, si c'est de l'information, c'est pas de la pub? Ben, tu vas voir, c'est ça. C'est qu'elle dit qu'elle publie sans problème des publicités unilingues dans des journaux anglophones québécois et se demande pourquoi il n'en va pas de même pour sa page Facebook. Donc là, t'es en train de comparer une pub dans un journal à Facebook qui est pas de la pub. Ouais. Mais tu compares ça à une pub. Mais en même pas. Temps, c'est comme un peu pour qu'elle se contredit, mais en ouais. voulant dire, ben là, je le fais là-dedans, mais pourquoi d'abord, là, ça non plus, je peux pas, mais là, en fait, je le faisais, mais je le fais pas, mais... C'est une contradiction, en effet. Ah, oui. Donc, allez voir l'article sur assemblagerequis.com et faites-vous votre propre opinion. Moi, Facebook, c'est quelque chose que tu peux faire sans payer. Donc, que c'est peut-être pas nécessairement de la pub, non? Non, c'est ça. Donc, parce qu'il y a une publicité dans un journal. Tu pourrais faire ce que tu veux. Ben, il me semble... C'est... C'est un peu comme, je veux dire... Ça veut dire que, mettons, là, si, mettons, ils font ça, là, ça pourrait quasiment dire que, mettons, qu'on publie quelque chose sur notre page, un article ou peu importe, il faudrait publier les deux. T'sais. En français puis en anglais. Non, moi, je trouve que ça se tient pas, en effet. Non, moi, je l'ai fait parce que... Le publier en anglais, vont me faire avoir. Google ajoute des ours polaires à sa cartographie en ligne. Les ours polaires. Oui, les petites mascottes de Coke. Donc, le géant américain de l'Internet Google a annoncé avoir ajouté des ours polaires à ses services de cartographie en ligne. Les membres de Google Maps se sont joints à l'association de défense des ours polaires Polar Bears International pour s'aventurer à Churchill dans l'état du Manitoba. Dans l'état du Manitoba, excuse-moi, Huffington Post Québec, c'est pas un état, c'est une province. À la fin de l'an dernier, et prendre les clichés de ces animaux en train d'attendre le gel des eaux de la baie du Tson. Les ours polaires se déplacent dans la toundra et la banquise à la recherche de nourriture et de partenaires. Mais même là-bas, Google n'a pu observer que quelques-uns de ces ours polaires menacés par le réchauffement des températures qui altèrent l'environnement glacé dont ils dépendent. Outre la possibilité par les utilisateurs de Google Maps d'observer depuis leur canapé ces ours dans leur environnement naturel, les images et données récoltées servent à mesurer les effets du changement climatique sur les animaux dans cette zone. Des appareils photo panoramiques, également utilisés par Google pour leur système Street View, ont été montés sur une camionnette à toundra. Camionnette à toundra. C'est comme, on dirait, c'est un beau virlang, camionnette à toundra. C'est comme la blague de l'OGGO. Ouais. Bref. Google avait déjà ajouté à sa cartographie en ligne des clichés de la forêt tropicale brésilienne ou des îles Galapagos, ainsi que des images de montagnes en haute altitude autant que sous-marines. C'est une belle idée. Je trouve ça très cute. Et je dois me corriger. C'est l'agence France Presse qui connaît pas la différence entre un État et une province. Les Français, là. Les Français, État, province, pays, localité, ville, campagne. C'est toute la même chose. C'est ça, il n'y en a pas de problème. Hein. Faisons pas notre recherche. Apple lance CarPlay pour utiliser son iPhone en voiture. Hein? C'est ben cool. Là, attends. Tu veux. Où est-ce qu'on trouve ça? Ben, dans les futures voitures 2015. Le géant américain Google a annoncé qu'il allait lancer cette année une nouvelle technologie CarPlay permettant d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'iPhone dans sa voiture en utilisant notamment l'assistant vocal Siri. Donc, wow. CarPlay donne aux utilisateurs de l'iPhone un moyen incroyablement intuitif de passer des appels, d'utiliser des cartes, d'écouter de la musique et d'accéder à leurs messages par un simple mot ou en touchant une seule fois l'écran. Évidemment, là, c'est une citation d'Apple. Quand ça dit incroyablement intuitif, là, vous l'aurez compris. Ferrari, Volvo et Mercedes-Benz présenteront cette nouvelle technologie. En fait, ils l'ont présentée cette semaine lors d'un événement automobile à Genève. La longue liste des constructeurs automobiles désireux d'incorporer le nouveau système à leur voiture comprend également Honda, BMW, Toyota et General Motors. Les automobilistes pourront ainsi brancher leur iPhone dans leur véhicule et utiliser ensuite l'écran tactile intégré à la voiture à côté du tableau de bord. Ils pourront aussi, s'ils le souhaitent, avoir recours à l'assistant Siri en pressant simplement un bouton installé sur le volant. Siri répond aux directives orales et il sera possible de lui demander de l'aide pour passer des coups de fil ou lire ou envoyer des messages écrits. CarPlay pourra par ailleurs pulser des informations dans le puiser. Je me demandais où c'est que tu t'en allais avec ça. Une question de pulsation, là. Ah, donc, ouais. Puiser des informations dans le calendrier, les contacts ou les récentes destinations de l'utilisateur de l'iPhone pour conseiller ce dernier sur des itinéraires à prendre ou le trafic autoroutier. Siri pourra aussi, si besoin, donner des informations à voix haute sur la route à suivre pour se rendre à un endroit donné. Donc, tourne à gauche dans 100 mètres, etc. Cool! Les automobilistes auront également accès à leur musique ou d'autres contenus iTunes présents dans leur iPhone. Génial! Warner Brothers a acquis les droits d'exploitation de la franchise Minecraft pour faire un film, selon Deadline. Après Metal Gear Solid... il n'y a pas plusieurs solides, il y a juste un solide. Il est bien solide, Metal Gear. Gears of War, il y en a plusieurs. Sly Raccoon et bien d'autres. C'est donc celle de Minecraft qui est mise en chantier. Fort du succès de la grande aventure Lego, qui est au cinéma en ce moment, dont une suite est déjà prévue, Warner Brothers a recruté son producteur de ce film de Lego, donc Roy Lee, pour aider à l'accomplissement du projet. Marcus Persson, le créateur suédois du jeu original Minecraft, c'est celui qu'on appelle Notch, s'est fendu d'un tweet burlesque et je cite « Quelqu'un essaie de faire fuiter le fait que nous travaillons avec Warner Brothers sur un potentiel film Minecraft, mais je voulais moi-même mettre la fuite, mon tadine. J'ai manqué ma chance. » C'est bien drôle quand même. C'est cool. On va y aller avec Tetris maintenant, qui est un nouveau régime minceur. Un nouveau régime minceur, Tetris? Quoi? Une étude de l'Université de Plymouth menée par les psychologues Jessica Skorker-Brown et Jackie Andrade, ainsi que John May, révèle que jouer à un jeu comme Tetris durant 3 minutes pourrait réduire les fringales jusqu'à 24%. Hein? Là, comment ça se fait? Comment ça? La théorie Elaborated Intrusion, selon laquelle nos envies sont conditionnées par des images auditives peut-être, qui apparaissent fréquemment dans nos têtes, s'appliquerait donc également à la soif et à la faim spontanée. En offrant une distraction visuelle à notre cerveau, celui-ci cesserait de se concentrer sur l'objet de ses désirs, donc soit un hamburger, n'importe quoi, des frites. Pour arriver à cette conclusion, les psychologues ont séparé des volontaires affamés en deux groupes. Pendant que le premier groupe attendait devant un écran de chargement, le second Pokémon jouaient à Tetris. À la fin de l'expérience, 3 minutes plus tard, le groupe qui avait joué à Tetris disait moins ressentir la faim que ceux qui avaient attendu devant quelque chose sans vraiment être concentré dessus. Oh! Oh. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement Tetris. Non, c'est ça. C'est juste, en fait, quelque chose c'est juste de faire quelque chose pour t'occuper du cerveau. Exactement. Tu sais, si tu veux ne pas avoir faim, va pas sur Pinterest regarder des photos de burgers. T'sais. Ben, c'est sûr que ça donne faim. Des gâteaux. Aide-toi un peu. Aide-toi. Voilà. C'est pas pour rien aussi, hein, qu'ils font du plaçage. Les annonces là, de restaurants là, à 4h30 qui commencent là, pour que tu te dises « Ah oh, ouais, je pourrais manger ça pour souper, ça serait bon. » Tellement. Moi, je te sortirais une phrase cute. Là. Si ouais. j'étais à Assemblage Rookie, ce serait sûrement le titre de l'épisode. Ouais. Mais « Aide-toi et le logiciel t'aidera. » Ouh. Hein, le ciel t'aidera. T'as pas oui, un petit? Oui, oui, oui. Le ciel t'aidera. Oui. Est bonne? Oui, pas beau titre. Okay. Et finalement, ben non, c'est tout pour le blog geek. C'est Yannick, j'ai rien d'autre à dire. Je me retire, votre honneur. C'est terminé. Voilà. Tout à l'heure, il nous reste WoWatWeb ainsi que la geekette en devenir. Mais avant ça, on est dû pour une pause. Oui. Une pause. Une pause, mais plus tard, beaucoup plus de Mathieu Planchot, MPS sur C'est fou. Oh yeah. Non, puis il y aura pas de pub de bouffe. Non, bon, on sait pas en fait. Peut-être qu'il va y avoir El Taouk. Je veux pas promettre autre chose. Mmh. Oh yeah, yeah. Ça sera pas de notre faute. C'est ça. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Bonjour Mathieu Plante, bonjour avec Mathieu Plante. Évidemment, Marie-Ève Picard est là aussi. Bonjour! Surtout, en fait, Marie-Ève Picard. Ben oui. Surtout. Je me demande comment c'est sûr qu'on appelle pas ça le Marie-Ève Picard Show. Ah ben, Caroline, vole-moi pas ma place. Ben là. Si tu veux venir faire la console, c'est pour toi. Non, ça va aller. Donc oui, il nous reste... en fait, on est déjà rendu aux 3/4 de l'émission. Ça passe extrêmement vite. Il nous reste seulement une 15aine de minutes. Donc allons-y, sans plus attendre... Avec le pendant plus web de CNX, voici WoW. What? Oh, web. Ah, c'est pas surprenant. C'est loin d'être ça, en fait. What? Ça sonnait bien, mais c'est loin d'être ça. Ouais, c'était beau quand même. C'est hein? plus safe. Ah, ben oui, alors ça. Ah, pauvre la fille de Fox, vous l'entendrez tantôt entre les deux chroniques. Mais pour l'instant, dans WoW at Web, donc un petit survol du web pour voir ce qui s'est passé d'important. Évidemment, on saute par-dessus tout ce que vous avez déjà vu sur votre Facebook. J'essaie du moins de prendre des choses que vous n'avez pas vues. Parce que moi, rabrouer les mêmes sujets que tout le monde, ça m'intéresse pas. Commençons avec Nintendo qui donne un petit livret, si on veut, à ses nouveaux employés. Okay. Quand ils arrivent dans la compagnie, vous savez, Nintendo existe depuis genre le 19e siècle. Donc, ça a bien du sens qu'une compagnie comme celle-là essaie de mettre au courant ses employés de l'histoire derrière la compagnie. Donc, les employés chez Nintendo reçoivent ce petit guide que j'ai posté sur assemblagerequis.com. Donc, c'est le site Before Nintendo qui a posté ça. Comme un genre de petit manuel avec des petits dessins fait vraiment cute. C'est comme une collection d'illustrations fait genre dessiné à la main, même si c'est pas littéralement dessiné à la main. Mais, et qui ressemble au style des cartes à jouer que Nintendo produisait au tout début de sa carrière. Donc, Nintendo, au début, c'était une compagnie de cartes à jouer. Donc, ils ont fait le même genre de dessin que ça. Il y en a plein. C'est vraiment très, très cute. Allez voir ça. Il y a des consoles, des Game & Watch, les vieilles consoles, oui. Les petites consoles portables minuscules qu'il y avait dans le temps, qui avaient juste un dessin dessus. Il y a tout. Donc, allez voir ça. C'est magnifiquement beau. Ensuite, vous rappelez peut-être, on avait parlé de ça en 2010, Nick Homer et son ami Stuart Clyde qui avaient fait les grands titres du web avec leur invention folle qui était un divan motorisé contrôlé par télécommande. Et bien maintenant, Nick travaille sur un guide pour que vous puissiez vous fabriquer vous-même ce divan téléguidé-là. Oh, donc, cool. Son guide vous propose de combiner une chaise roulante électrique avec un sofa. Vous devriez les prendre usagés, évidemment, et il vous dit que ça devrait vous coûter environ 150$ américains à fabriquer. Ah, ben, c'est pas cher. Avec le moteur et tout ça. Et ça devrait prendre seulement quelques heures. Évidemment, il parle à des gens qui auraient déjà fait de la mécanique ou des trucs comme ça. Ouais, j'imagine. Mais bon, donc allez voir ça, c'est un Kickstarter en ce moment. Donc on demande 2$ pour avoir accès au guide en ligne qui va inclure vidéos, foires aux questions et recommandations pour où acheter le divan et le moteur, etc. Ah, oh, ben c'est bien. C'est très cool et très, très geek de patenter un divan téléguidé. Ouais, mais serais-tu capable? Non, vraiment pas. Je m'assume que je serais pas capable du tout, mais l'envie manque pas. Hein. De trouver quelqu'un pour le faire. Pour exactement. Tu sais, si ça te coûte 150$ de pièces, en plus de 2$ sur Kickstarter, et après ça, payer quelqu'un à genre 20-30$ de l'heure pour le faire, c'est rentable pareil. Ah, oh, quand même, hein, oui. Oui, ben. Oui, oui. Une autre idée vraiment, vraiment cool, c'est jerrysplacevr.com qui est, tu te rappelles, on a déjà parlé de Oculus Rift, c'est une affaire de réalité virtuelle que tu mets sur les yeux, puis qu'on en parle chaque semaine, quand tu bouges ta tête, ça bouge dans le ciel oui. aussi. Mm-hmm. C'est vraiment le fun. Eh bien, le gars, il a fabriqué l'appartement de Jerry dans l'émission Seinfeld en Oculus Rift. C'est fait avec ce qu'on appelle Unity. Donc, c'est un projet pour le plaisir et non pour le profit. Le gars est fan de Seinfeld depuis longtemps. Et après avoir acheté un Oculus Rift, il a commencé à s'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait faire comme projet. Donc, il s'est dit, bon, tu sais, je suis peut-être pas nouveau dans la modélisation 3D. Par contre, ça serait son premier projet dans Unity. Donc, il a pris l'appartement de Jerry dans Seinfeld. Et puis, il l'a recréé au complet. Ça existe seulement dans vos yeux, finalement, dans votre tête. Mais c'est comme si c'était réel. C'est le genre de la réalité virtuelle. Wow, en fait, t'as l'impression d'être chez Jerry. D'être chez Jerry. Je sais pas si tu pourrais peut-être à un moment donné amener les personnages là-dedans puis faire ta propre sitcom. Malade. Tu sais comment je suis bon pour écrire des sitcoms? Vous avez entendu mes pubs, c'est fou. Ben oui, c'est tellement drôle. Tellement drôle. Je me suis gâché une jambe pour faire plus réaliste. C'est bon. Oh ciel, mon JP. Ouais. Oh ciel! Oh ciel, mon Dieu! Ensuite, tout le monde poste, vous avez vu ça, je pense, sûrement 15 fois par année, les Marty McFly, quand ils étaient dans le futur, dans Retour vers le futur, on poste tout le temps le tableau de bord. Hey, aujourd'hui, c'était la journée qu'ils étaient dans le futur. Oui. C'est jamais vrai. Oui, en effet. Aucune qui est vraie parce que vous le voyez 15 fois par année. C'est tout faux, c'est des montages photos, ce n'est pas vrai. Allez sur martymcflyinthefuture.tumblr.com pour voir à chaque jour de l'année. Le message aujourd'hui est le jour où Marty McFly est allé dans le futur. Oh. Et le gars refait chacun des jours de l'année. Oh non! Donc là, il y a le 5 mars. Si je recule, il y a le 4 mars, il y a le 3 mars, le 2 mars, le 1er mars. Et ça continue de à l'infini, je te dirais. Oh mon Dieu! Il les a tous faits pour que vous puissiez faire des blagues sur votre Facebook. Oh. C'est le fun au bout. Ensuite, un gros costume de Game Boy. Tu sais, des conventions, les gens se déguisent en costume. Oui, oui, oui, avec leur préféré. Leur préféré. Donc, un costume de Game Boy en 2009 où le gars, tu pouvais jouer à Tetris sur son corps avec des boutons qui fonctionnaient, un laptop avec un émulateur. Et bien maintenant, au OhioCon 2014, un gars a mis le jeu Donkey Kong Land. Oh! Et ce qui est le fun, c'est que tu peux changer la cartouche sur son corps. Wow! Donc, il a amélioré son case, donc sa console en tant que telle. Et le costume peut maintenant changer de jeu en insérant une très, très grosse réplique de cartouche dans la fente de l'appareil. Donc, à quelque part à l'arrière du costume, c'est un gars sur Reddit, Dakaris, qui a dit que le cosplayer, donc la personne qui portait ce costume-là, avait un ordinateur Raspberry Pi à l'intérieur de sa console. Donc, dans le fond, c'est un ordinateur Raspberry Pi. Ça, c'est comme un genre de minuscule ordinateur. C'est comme une cartouche, genre. Qui est dans son Game Boy, qui fait fonctionner son Game Boy, son habit, là. Okay. Oui. Son costume. Et il y a un émulateur sur l'ordinateur de Raspberry Pi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Allez voir la vidéo. Pour vrai, tu peux jouer à Tetris, à Donkey Kong Land, à un paquet d'autres jeux. C'est vraiment impressionnant de voir ça. C'est un costume, là, je veux dire, sérieux. C'est vrai? C'est le fun. Les gens qui cherchent de la pornographie sur Internet devraient avoir du plaisir avec le nouveau site PornMD. Mais en fait, je ne sais même pas si c'est nouveau que ça. Si c'est si nouveau que ça. PornMD.com. Il y a maintenant une fonction de recherche en direct. De recherche en direct, exactement. Donc, ça va vous montrer en temps réel ce que les gens cherchent sur PornMD. Okay? Donc, je vais y aller en temps réel pour voir en ce moment qu'est-ce que les gens postent. Okay? Sur PornMD.com/live/search. Donc, les gens en ce moment cherchent hétéro. Ils cherchent gay, transsexuel, t'as fellation, fichier sexe, il y en a que je vais sauter, courte robe, sirène, lesbienne française, étudiante, il y en a plein d'autres. Le reste sont juste, je peux pas les dire. Bon. Oui donc. Ben non, mais là, il y a poussi puis des affaires de même, mais comment? Se masturber au travail est un terme de recherche en ce moment. Masturbating at work. Bref, il y en a plein. C'est pornmd.com/live/search. Il y a un gars qui s'est fait pousser l'alphabet sur sa barbe. Hein? Mais là, comment il a fait ça? Donc, les 26 lettres de l'alphabet, il a rasé un côté de ça. Tu sais, mettons la lettre D minuscule, OK? Tu te fais un goatee en haut de la lèvre, en bas de la lèvre et sur, en bas de la bouche et sur le côté. Et tu rases un côté, donc ça fait un D. Oh. Okay? Pour faire un C, tu rases tout le milieu et le côté un petit peu. Donc, bref, c'est dur à expliquer à la radio comme ça, mais il a vraiment posté l'alphabet, les 26 lettres, ainsi que certaines ponctuations comme le point et la virgule. Mais pas le point-virgule. Allez voir ça, c'est cute. Ouais. Toi qui aimes tant les barbes, hein? Ben, pas tant. Non, je sais. C'est sarcastique. Ah, OK. Il y a une application pour les selfies de bébés maintenant. Bon, ça y est. Si c'est rendu que les bébés prennent des selfies, c'est que les selfies sont terminés. Matthew Pigula, donc nouveau père d'une fille de 6 mois, prend ce projet-là pas trop au sérieux. Il a construit l'application Baby Selfie sur Android pour apprendre le développement d'applications sur Android. Ça fonctionne un peu comme un jeu de genre de comment t'appelles ça, peekaboo, là, de cachette, si on veut. Oui, là, oui, oui. Quand tu mets tes mains devant ta face et tu les enlèves. Donc, il y a un animal qui apparaît à l'écran pour capturer l'attention du bébé. Et quand ça joue un son, donc ça va capturer la photo du bébé après ça quand tu as réussi à tirer son attention. Oh mon Dieu! C'est le fun. Et une petite vidéo de Khurshid Hussain. C'est un concours de... En fait, c'est le record. En 1 minute 33 secondes, il a réussi à taper... En 47 minutes 44 secondes, il a réussi à taper 103 caractères d'un texte prédéterminé avec son nez. Wow! C'est le record du monde de tapage avec le nez. Mon Dieu, voilà. Cool! Malade. Quand le temps passe tellement vite, Marie-Ève. Tellement vite. Je pense qu'on va devoir y aller avec la guiquette en devenir. Oh! Ça ressemble à ça, c'est ton moment. Your time to shine, c'est la guiquette en devenir. Ah, et c'est la guiguette en devenir qu'on appelle Marie-Ève Picard de son vrai nom. Ben oui! Et tu parcours Internet telle une jeune vierge du web. Prête à vivre plein d'aventures. Ah ben oui, c'est si tu le dis. Laisse faire. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Eh bien, évidemment, hein, comme à tous les fois, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de Disney. Mais pas trop! Mais pas trop! C'est pour ça que j'ai choisi quelque chose qui avait un petit peu Disney, mais pas tant. OK. En fait, tu sais, quand on est jeune, là, on aime ça associer des lettres de l'alphabet. Et puis en plus, ça fait un lien avec ton enfant d'alphabet. Avec les barbes, oui. Wow! Mais au lieu de barbe, pourquoi? C'est ça, donc, quand on est jeune, on aime ça associer des lettres pour s'en rappeler à des personnages. Oui. Alors, pourquoi ne pas les associer avec des personnages de Disney? Entre autres, ah ben entre oui, autres. Colin, c'est vrai. Oui! C'est beau. Ah, oui. J'ai vu la première. Eh oui, évidemment, le A, qu'est-ce que vous pensez? Oh, ma belle Ariel. Oui. Es-tu cute en plus là-dessus? Ah oui. Elle est comme faite avec des gros yeux. Manga style. Manga style. C'est tellement ouais. Beau. Ah. Comme le E, c'est Edouard aux mains d'argent. Oui. Ouais. F, c'est Fry de Futurama, as-tu? Oui, oui. L, c'est Léo dans les Ninja Turtles. OK. Ouais, ben là, on ne les nommera pas toutes. Non, mais il y en a plein. Comme P, Pikachu. Il y a des lettres qui sont plus difficiles de choisir que d'autres. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, parce que des fois, tu as beaucoup de choix hein, que tu pourrais prendre. Y, Yoda, mettons, c'est oui. Simple. Ouais. Ah oui, W, Wonder Woman. Mm-hmm. Xena, la princesse guerrière. Oui. C'est donc de la culture populaire dans tous les sens du terme. Et, oui. Ça fait la job, c'est très bien dessiné. Bravo. Mm-hmm. Ben oui, mm-hmm. C'est vraiment fun. Oui. Ensuite de ça, tout à l'heure, là, on parlait, là, écoute, les cellulaires, là, puis tout ça, comment c'est dans ouais. Le fun, là. Les hein? Téléphones à poche. Ouais. Mais toi, tu serais pas du genre, là, tu sais, mettons, à pas vouloir envoyer des vrais textos à ta blonde. Non, non, j'en écris juste pas à la place d'en écrire ouais. Des choses. Ouais. Genre. Ben, j'ai peut-être quelque chose pour toi. OK. Oui. Pour toi aussi, je pense, en fait. Non. Ça serait pas très utile pour moi, tu vas voir. En fait, ça s'appelle la Bro App. Bro. Yo, bro. Bro, bro. Mais malheureusement, comme t'as un iPhone, tu pourras pas l'utiliser parce que c'est seulement pour Android et ça coûte 2$. En fait, c'est que tu télécharges l'application et là, tu remplis, dans le fond, t'as plusieurs affaires là, que tu peux faire. Mm-hmm. Et tu remplis des messages. Donc, tu les composes d'avance. Ils sont comme enregistrés. Et puis là, tu peux lui dire à quelle heure, à quelle date, à quel moment envoyer le message pour toi. Ah, comment? Fait que mettons, là, parce que dans le fond, le but, là, c'est que tu passes du temps avec tes bros. Fait que mettons, tu t'en vas une soirée, puis là, ta blonde, évidemment, elle dit « Hey, tu m'écriras ben oui. pendant la soirée. » Yeah, right, que je vais t'écrire, c'est sûr. Attends-moi, tu sais, attends-moi. Donc, pour avoir à penser à ça, mais là, tu dis, mettons, OK, tu sets ça pour qu'à 8 heures, ça l'envoie un message. Mais tu sais, ça peut être n'importe quoi d'autre, là. Tu sais, comme un petit message le matin. Ah, ça, c'est cute, par contre. Là, mettons, passe une belle journée. Des petites affaires de même. Ça, c'est cute, par contre. Oui. Mais une chose qui est quand même pas pire aussi, c'est que, tu sais, c'est une app, là, mais elle est quand même pas pire intelligente, là, quand même. Parce que si, mettons, juste avant que tu étais supposé envoyer un message, ben ta blonde a t'écrit. Oui. Hein? Ça se pourrait? Ben oui. Là, tu t'aurais de l'air fou, mettons qu'elle t'écrit, puis 10 minutes après, tu lui reposes la même question ou quelque chose du genre. Là. Ben, il l'enverra pas. Parce qu'il détecte Parce qu'il a détecté que t'as parlé avec elle. C'est très intelligent. Parce que c'est tout détecté là, avec son Wi-Fi et ses affaires. Oh, wow! Oui, c'est vraiment... c'est assez poussé quand même. Ça vaut le 2$, là. Oui. Parce que c'est ça. Donc, dans le fond, il identifie le Wi-Fi. Fait comme ça, il sait quand elle ouvre ou pas. OK. Voilà. Génial. Mais une affaire qui est un petit peu moins... peut-être... c'est sûr que... Tu sais... Oui, c'est bon, là, mais c'est, mettons que t'envoies un message genre bonne journée, hein, je sais pas trop. Puis là, ta blonde, finalement, elle te répond. Mais là, toi, tu y réponds pas. Parce que tu as déjà envoyé ton message. Mm-hmm. Mais là, elle continue, là, elle te répond. Fait que là, tu dis, comment ça se fait qu'elle me répond pas? C'est comme le pilote automatique. Ils viennent de m'envoyer un message, là, 2 secondes. Pourquoi, là, il me répond plus? En fait, là, ouais. La panique, toi. Fait que là, faut que tu lui expliques que c'est une application qui ben lui écrivait. Ben, ça défait le mystère. Tard, tu t'es fait avoir. Eh, mon Dieu. Tu t'es fait avoir. Eh, mon Dieu. Oui. Et t'as dit. Mais c'est quand même cocasse. L'intention est bonne. Oui, c'est ça. Ben, l'intention est bonne, on t'entend. De crosser le système, ben, ouais, non, c'est pas tellement bon. En tout cas, c'est quand même drôle. Ensuite de ça, quelque chose de plus léger, là. Tu sais, des fois, les couvertures de livres, là, on trouve ça réaliste, hein. C'est quand même pas pire. Mais c'est fun de voir des couvertures de livres comme mis en réalité avec des personnes. Un petit peu comme l'autre fois avec les post-it de super-héros que, comme superposés par-dessus la tête. Exactement! Ou un peu comme... des fois, j'ai vu des blogs où on prenait des vinyles puis on les mettait dans la vraie vie devant les vraies places où ça avait été pris. Parce que, mettons que tu as une couverture de livre, là, mettons comme la première là, qu'on regarde. En fait, c'est fait avec Corpus Libris. OK. Mettons, là, la première couverture qu'on voit, là, c'est une tu vois comme le dos d'une fille là, qui est nue, qui essaie de détacher... Sur la couverture du livre. Oui. Okay. Elle essaie de détacher comme... d'attacher, pardon, sa brassière. En fait, on ne sait pas si elle attache ou elle détache. Oui, c'est ça, mais d'après moi, en tout cas. Ouais. Et puis, dans le fond, c'est ça, c'est que la photo, c'est que tu vois le livre, il est mis devant quelqu'un, devant une fille, puis tu vois ses bras, dans la réalité, comme dépassés, puis qui arrivent aux mêmes places que son... Elle prend la même pose. Livre. Elle prend comme la même pose. Mais tu sais, ça la complète. Parce que dans le livre, mettons, ses bras, ils arrêtent comme au un quart. Mm-hmm. Mais là, ben, le trois quarts du reste du bras, c'est elle, là, dans la vraie vie. Et ce que je vois dans les photos, en tout cas dans la deuxième principalement, c'est que ça a l'air de prendre les gens à leur insu pour copier la couverture du livre. Où est-ce qu'il leur demande, elle peut se placer comme ça? Ben moi, je pense que oui, là, soit qu'il le demande. Mais tu sais, dans le fond, c'est que tu peux le poster toi-même aussi. Tu l'envoies au site, là, et puis eux, ils choisissent les meilleurs. Ah, d'accord. Fait que dans le fond, tu peux comme le faire toi-même, mais sûrement que oui, effectivement. C'est cool, c'est une bonne idée. C'est très anodin, mais on aime ça comme ça. Oui, c'est ça, mais c'est le fun. Oui. Encore autre chose un petit peu anodin, là, si on veut. Oui, c'est ça. Mais c'est, tu sais, des fois, quand tu as du temps à perdre, c'est le fun à regarder. Tu t'attends dans une salle d'attente. Des photos de Flickr Kaja Stromanis. Dans le fond, c'est la fille qui se fait poser, qui reçoit des choses par la tête. Donc, par exemple, un ballon, une botte, un verre, n'importe quoi, là, une citrouille même. Mais la photo est prise pendant qu'elle reçoit ça, en face. C'est ça. Fait que tu la vois comme, comme sa réaction, mais comme en... Là. Instantané. En temps réel. En temps réel, c'est ça. Exactement. Au bon moment, mettons. C'est ça. Cool. Et voilà. Et pour finir, qu'est-ce qu'il y a de plus cute que de regarder des petites photos de petits chiens puis de petits chats? Réponse, rien du tout. Ben oui, hein? Ouais. Mais c'est fun parce que ce que tu peux faire, là, tu les mets une à côté de l'autre, puis là, ben, tu prends une photo de, mettons, ton petit chien quand il était babouille. Puis là, ben, tu le prends aujourd'hui. Tu reproduis la pose, l'environnement où ça a été pris. Fait que là, ben, c'est ça qu'on voit. On est habitué de le voir avec des humains, mais avec des animaux, j'avoue que c'est plus original. Oui, c'est drôle. C'est tout c'est cute. C'est très cute. Oui. J'adore ça. Allez voir. Les liens sur assemblagerequis.com. Merci Marie-Ève Picard. Fait plaisir. C'était la Geekette en devenir. Et nous, ben, c'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, en direct les mercredis entre 16h et 17h. On repasse les samedis à partir de 15h. Programmation sur CIF.ca, note de l'émission balado diffusion sur assemblagerequis.com. Merci encore Marie-Ève Picard. Fait plaisir. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.